La Bella Malcasada par Lord Feeling. Don Andrés but un grand verre de limonade. Puis, ayant relevé sa moustache comme pour ouvrir à sa parole un passage plus libre et plus facile, il raconta ce qui suit. Depuis qu'ayant quitté l'armée de Flandre, j'étais venu me fixer avec mon frère à Valladolid en 1560. Je n'avais guère songé à profiter de mon séjour en cette ville pour m'y pousser à la cour et près des grands. Je ne manquais pourtant pas d'amis et de protecteurs puissants qui m'eussent volontiers frayé le chemin des emplois et des grâces. Mais ce n'était nullement de ce côté que m'emportait mon inclination. Je ne me sentais point la vocation de ces hommes courageux et diligents qui, debout avant le jour, amis de tous les astres, s'en vont épier le réveil des ministres après celui du soleil et adorent toutes les divinités dont le lever s'entoure de nuages d'or. Ma jeunesse imprévoyante et frivole avait d'autres ambitions et d'autres penchants. Épris comme je l'étais de moi-même et fier de ma bonne mine, ce qui me ravissait et m'enivrait, c'était la parure éclatante et recherchée, c'étaient les habits couverts de boutons et de broderies, les plumes, les rubans et les chaînes. Tout ce qui enrichit et fait briller les vêtements et la personne. Ce qu'il me fallait, c'était me montrer resplendissant au concert, à la promenade, aux maisons de jeu et aux comédies. C'était en ces futiles plaisirs que j'avais employé les premiers mois de l'été. Or, sur la fin d'août, un soir que la chaleur était excessive, au tombé de la nuit, je m'en fus au Prado afin d'y respirer un peu. Comme je passais devant l'église de la Magdalena, j'y entrai pour prendre l'eau bénite et dire l'Ave Maria. Ce fut là qu'après que j'eus fait ma prière, m'assaillit l'aventure la plus étrange qui me soit advenue en ma vie. La promenade était inondée de voitures. L'une de leurs files venait même raser le portail de l'église. Pour en sortir, au risque d'être écrasé, impatienté d'attendre, j'allais me jeter brusquement entre deux carrosses, lorsqu'au moment où je me glissais près de la portière de l'un d'eux, une dame voilée, qui était assise dans le fond, avança tout à coup la main, et me tirant par mon manteau, me retint doucement. Un peu surpris et confus d'abord, j'avais cependant ôté mon chapeau, et j'allais demander à cette inconnue si elle n'avait point à requérir de moi quelque service, mais elle me prévint, et se penchant vers moi. « Il y a plus de 15 jours, Don Andrés, me dit-elle à voix basse, que j'espère et que je cherche cette occasion de vous parler. Ne vous étonnez point de m'entendre vous tenir ce langage. Ce n'est pas d'aujourd'hui que mes yeux et mon cœur vous connaissent. Certes, je voudrais bien dès à présent me découvrir à vous entièrement, mais ce serait folie à moi de m'y exposer avant d'avoir mieux éprouvé ce que vous valez. Je vous supplie, au moins en ce moment, d'écouter attentivement les avis que je vais vous donner et de me pardonner leur franchise. Il m'en coûte, en vérité, de vous dire des choses qui vous blesseront peut-être. Mais la hardiesse et la sévérité de mes paroles s'excuseront, je m'en flatte, près de votre cœur, par l'évidence de l'intérêt qui les aura dictées. » Ici, la dame voilée fit une pause, de gros soupirs l'ayant déjà bien des fois interrompue. Quant à moi, j'avais senti mon étonnement s'accroître davantage à chacune de ses paroles. 20 fois j'avais pensé qu'elle se divertissait à mes dépens, mais je tombais bientôt de cette crainte dans d'inextricables perplexités, lorsque j'eus entendu tout ce qu'elle ajouta à son premier discours. « Tenez, je vous le dis sans plus de détour, Don Andrés, poursuivit-elle d'une voix moins entrecoupée. Mon rang et ma qualité sont tels que je ne les puis risquer à compromettre légèrement des mains peu sûres. Or, quel soin prendriez-vous de mon honneur, vous qui êtes si insoucieux de votre bonne renommée? Comment se fier à qui, méconnaissant le prix inestimable du temps, ne s'applique qu'à le perdre en futilité, en dissipation et en désordre? Pour être digne d'un haut choix, ce n'est pas assez d'être noble et chevalier. Au mérite brillant, il leur faut joindre aussi de solides. Vous êtes bien fait et de bon air, je ne vous l'apprends point, n'est-ce pas? Plutôt ciel que votre âme et votre esprit eussent toutes les perfections de votre personne. Mais loin de là, vous êtes vif et emporté d'abord. Il n'y a pas de jour où vos gens n'aient à souffrir de vos emportements et de vos colères. La moindre chose vous irrite et vous enflamme. C'est mal, Don Andrés. Un homme bien né, si mécontent et offensé qu'il soit, ne doit point se laisser entraîner au-delà des bornes. Convenez-en. Est-ce que ces mouvements furieux ne sont pas pour effrayer un cœur épris? L'amour, mon ami, ne veut point de ces gouvernements impérieux. C'est un enfant, voyez-vous. On le maîtrise mieux par la douceur et les caresses que par la force et la violence. Mais venons à d'autres points. Quelle façon de vivre, dites-moi, est la vôtre? Le dérèglement de vos habitudes est inexprimable. Avez-vous donc pris à la tâche de changer le cours naturel du temps? Vous faites des nuits les jours et des jours les nuits. Il n'y a point d'heure pour vous. Vous vous couchez le matin et vous vous levez à la sieste. Les moments de vos repas sont incertains et désordonnés comme ceux de votre sommeil et de vos veilles. Les livres, si vous les prenez, c'est justement lorsque vous sortez de table, c'est-à-dire lorsque l'étude est pernicieuse et tenue pour poison par les sages eux-mêmes. Enfin, il n'est pas une de vos actions qui ne soit hors de saison et de place. Vous avez disposé votre vie au rebours de celle de tous les autres. Vous ne gardez d'ordre ni de mesure en rien. Or, sans parler du préjudice qu'une telle conduite apporte aux intérêts et aux affaires, quelle santé robuste n'en serait atteinte et altérée? Je ne vous ai cependant énuméré encore, d'une adresse, que vos plus légers torts, ceux dont le remède est facile, et auxquels votre âge est d'ailleurs une suffisante excuse. Mais vous avez, mon Dieu, des défauts bien autrement graves. Vous êtes joueur, vous êtes libertin. Je n'ose, moi, entrer en ces détails de vos débordements. Mais ce ne sont plus là des erreurs de jeunesse, mon ami. Ce sont des vices, et des vices grossiers et sans amabilité, qui ruinent tout ensemble l'esprit, le corps, l'âme et la fortune. Et puis, voyons, si une dame était assez imprudente pour compter être bien aimée de vous, expliquez-moi, je vous prie, comment vous trouveriez du temps à donner à son service. Vous qui consumez la meilleure partie du jour dans les soins efféminés de vos parures et de votre personne. Je vous admire vraiment à vous voir chaque matin de longues heures en adoration devant votre miroir. Vous souriez gracieusement à vous-même. Essayez tour à tour 1000 vêtements, bouclez votre chevelure, frisez votre moustache, vous baignez tout entier d'huile et d'essence. Mais ne rougissez-vous pas de ces affectations? Poussez à l'excès où vous les menez, elles seraient blâmables même en une femme. Comment ne sont-elles pas plus indignes d'un homme, et d'un homme de votre profession surtout? Hélas, elles me donnent des raisons sérieuses de craindre que celui qui se traite avec tant de prédilection et de complaisance, et a tant d'amour pour lui-même, ne soit guère capable d'en ressentir un bien grand pour sa maîtresse. Je vous le confesse donc sincèrement, d'une adresse, oui, je résiste encore au vif penchant qui m'attire vers vous, mais seulement parce que vos autres imperfections me font douter de votre discrétion et de votre constance. Suivez mes conseils pourtant, amendez-vous. Mon bonheur est tout entier dans vos mains, et il dépend de vous de l'assurer, car vous voyez bien que je me meurs du désir de m'oublier moi-même et de me sacrifier à vous. Mais au nom de la très sainte Vierge, réformez-vous, mon ami. Fournissez-moi des raisons capables, sinon de justifier, au moins d'excuser ma faiblesse, si toutefois il peut y avoir des excuses aux faiblesses d'une femme de ma sorte. Elle s'était tue, et moi, je demeurais muet et pétrifié. J'étais cependant moins troublé encore de la singularité de l'aventure que des inexplicables révélations au moyen desquelles cet inconnu avait ainsi pénétré le secret de mes actions les plus intimes et les plus cachées. Mais cette femme n'était-elle pas le diable lui-même? Et rien qu'à cette pensée, je fis 20 signes de croix. Dans tout ce qu'elle m'avait dit, il n'y avait pas un mot qui ne fût exactement vrai. C'était ma vie qu'elle venait de me conter. Il y avait de quoi en perdre la tête. Je me remis néanmoins peu à peu, et je retrouvai avec la parole quelque présence d'esprit. Maudissant intérieurement de grand cœur le traître qui m'avait si bien dénoncé, je confessai de bonne grâce l'énormité de mes défauts et promis de m'en corriger. Je tins à la dame 1000 propos galants qui furent tous les bienvenus et payés en même monnaie. Devisant ainsi, je lui servis d'écuyer le reste de la soirée, continuant de marcher à la portière de son carrosse, sans parvenir d'ailleurs à voir de sa personne autre chose que l'une de ses petites mains blanches, ni à percer le moins du monde le mystère des confidences perfides qui m'avaient livré à sa merci. J'avais même, à ce qu'il semble, maladroitement montré trop de curiosité sur ce point, car ne s'en tenant que mis en garde, elle changea soudain de parade et prétendit me persuader qu'elle avait voulu seulement plaisanter. « Elle ne m'avait jamais vu, me jura-t-elle, elle ne savait rien de moi que par magie blanche. » Et puis, me souhaitant d'heureuses nuits, et m'ayant formellement défendu de la suivre, tout en me permettant de l'attendre, si bon me semblait, le lendemain à la même promenade, elle ordonna son cocher de la ramener chez elle. Je ne tardai pas de mon côté à retourner à mon logement. C'était l'entresol d'une maison située près de San Pablo, que j'habitais avec mon frère. Cet entresol se divisait en plusieurs chambres ayant chacune ses croisées donnant sur la rue. Dès que je fus rentré, je me hâtai de commencer une enquête parmi mes gens. Chacun fut examiné, interrogé et retourné en cent façons. Je pressai mon frère lui-même de questions. Ce fut la peine inutile. Toutes mes recherches furent sans résultat. Non seulement je ne pus découvrir mon espion, ni obtenir le moindre aveu d'indiscrétion de la part de qui que ce fût, mais je ne saisis même nul indice qui m'offrit un fil conducteur en ce labyrinthe de mes soupçons et me mena à une seule conjecture raisonnable. Malgré ce mauvais succès, je vous laisse à penser si le lendemain je fus exact à mon rendez-vous du Prado. J'y étais en sentinelle déjà bien avant la brune et j'y restais fort tard. Ce fut en vain. La dame voilée ne reparut point. Je voulus me persuader que c'était le tort de mes yeux qui n'avait point su reconnaître sa voiture dans le grand nombre de celles dont la promenade était obstruée. Mais, n'ayant pas eu meilleure chance, les soirées suivantes, après y avoir mûrement réfléchi, en dépit de la longue défense que fit mon amour-propre, je finis par le réduire à confesser qu'il avait été pris pour dupe.